Merci à vous, en tout cas, de me recevoir. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est un peu un retour dans un endroit que j'ai connu il y a très, très longtemps, puisque j'habitais à peine 10 minutes d'ici, rue Porte-Gelée, sur l'île Beaulieu. Et donc, je peux voir combien la ville de Nantes grossit. Elle devient presque eudémique. Elle pousse en largeur, en hauteur, et l'île Beaulieu est un endroit mais absolument gigantesque. Et donc c'est vraiment avec plaisir que je viens. Je ne viens pas toute seule puisque je suis venue avec Flora Tristan. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme. C'est vrai qu'elle est très peu connue en France. Néanmoins, elle a fait partie de celles qui ont changé beaucoup de choses dans la vie sociale en France, mais pas qu'en France, à l'international, puisque c'est une femme quand même qui a été une militante socialiste, féministe française, et l'une des premières figures majeure du débat social, et elle a participé notamment à la création de l'internationalisme. Donc, elle a eu une ouverture au-delà de nos frontières. Alors, évidemment, on est depuis quelque temps dans un contexte un petit peu compliqué, politique, élection. Alors, de temps en temps, vous allez peut-être croire que je me suis réincarnée en Arlette Laguiller. Non, non, il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir aussi combien les arguments que je vais vous proposer, mais que vous ne prenez pas au premier degré, bien évidemment, ont un écho aujourd'hui par rapport à ce qu'on entend, puisque nous n'échappons pas tous les jours à ce que nous proposent ces hommes qui vont changer notre monde. Eh bien, Flora Tristan a fait partie de ces femmes qui ont voulu, elles aussi, changer le monde, et à cet égard, elle a évidemment beaucoup de choses à démontrer. Alors, Flora est née le 7 avril 1803, elle décédera le 14 novembre 1844, donc une courte vie, pleine, dense, riche de beaucoup de projets qu'elle a pu, à divers degrés, mettre quand même à jour. Et c'est un personnage audacieux, c'est un personnage aussi un peu fantasque. Donc, dans ses vérités, il y a pas forcément tout apprendre globalement. Il faut peut-être un peu trier parce qu'elle a toujours eu aussi un besoin de s'inventer des éléments, des morceaux de vie qui ne lui ont pas forcément appartenu, même à telle enseigne. Elle prétend descendre de Moctezuma II, qui est le dernier souverain de l'Empire aztèque. Donc, il faut déjà chercher pour trouver cette descendance. Néanmoins, elle est quand même la fille d'un riche Péruvien, Mariano de Tristán y Moscoso, qui fait partie des plus anciennes familles espagnoles d'Amérique du Sud. On sait que le Pérou a été donc jusqu'en 1827 sous la tutelle de la couronne espagnole. Donc, famille aisée, très aisée même, si bien que Flora va naître dans un contexte particulièrement choyé. Elle s'appelle Flore, Célestine, Thérèse, Henriette, Tristan, Moscosa, l'aînée. Ouf, quand on a déjà tout dit ça, ça fait un beau parcours. Alors son père, Mariano de Tristán y Moscoso, c'est un personnage donc qui jouit d'un statut très particulier puisqu'il est chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, colonel des dragons d'Arequipa, et qui va voyager beaucoup parce qu'il va mener des missions un petit peu partout dans le monde, à Madrid. Ensuite, il est détaché en France et il va acquérir une magnifique demeure à Vaugirard où là, la famille va vivre vraiment dans un contexte très, très aisé, où on reçoit la grande bourgeoisie et où Flora va développer sa petite enfance dans un contexte particulièrement agréable. Et c'est vrai que elle est dans une famille qui s'occupe beaucoup d'elle, qui devrait lui permettre de mener une vie particulièrement intéressante, mais la vie, malgré tout, vous réserve des surprises, et on va être loin aussi de la vie que sa mère mènera avec son mari à Arequipa, notamment. Alors, Arequipa, c'est une ville, donc, du Pérou, qui se trouve ici. C'est une ville qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000. Et vous avez Lima ici. Alors, sa mère, Anne-Pierre Lainée, elle-même est issue d'une famille de la bourgeoisie française qui doit émigrer au moment de la Révolution de 1789. Et cette famille va se retrouver à Bilbao. Et c'est à Bilbao que Anne-Pierre va rencontrer donc le futur père de Flora. Ils vont se marier à Bilbao, avec un prêtre, lui aussi exilé. Les choses se font un petit peu vite, mais le mariage ne va jamais être homologué, si je puis dire, si bien qu'il n'est pas considéré comme légitime. Et lorsque la famille va se retrouver en France, subitement, Mariano va décéder d'une mort très prématurée, le 14 juin 1807. Et là, la pauvre Anne-Pierre va être incapable de produire un document spécifiant qu'elle est bien l'épouse de son mari, en quelque sorte. Et on se rend compte que le mariage n'a pas... Ils n'ont pas pris le temps d'homologuer le mariage en France non plus. De surcroît, il n'y a pas eu de mariage civil à Bilbao. Donc, on considère qu'elle n'est absolument pas l'épouse de Mariano de Tristan. Et à ce moment-là, l'État va la renvoyer de cette magnifique maison de Vaugirard. On la dépossède de ses biens qui sont considérés comme biens de l'État français, d'autant plus que la France, à cette époque, est en guerre contre l'Espagne. Donc, Vaugirard, c'est tout un pan de l'histoire de Flora qui va disparaître. Et c'est aussi un endroit où on recevait énormément de hauts personnages. Bolivar a fait des séjours très, très réguliers dans cette propriété de Vaugirard. Et Anne-Pierre, en plus, est enceinte de son deuxième enfant. Et elle se retrouve dans une situation de pauvreté extrême. Elle va errer dans différents endroits jusqu'à arriver à Paris, où là, elle va trouver une mansarde du côté de la place Maubert. Et c'est là que le petit frère va naître le 10 octobre 1807, qui va décéder très très vite. Et c'est un quartier très très mal famé, où il y a un taux de criminalité extrême, de prostitution. Et d'ailleurs, Eugène Sue s'en inspirera pour écrire Les Mystères de Paris. Donc c'est vraiment un quartier où il vaut mieux pas être, mais elle n'a pas le choix. Et c'est vrai qu'on est loin de la propriété de Vaugirard, bien sûr, dans cette mansarde qui respire la misère, en quelque sorte. Et donc, la jeune Flora va très, très mal vivre cette expérience. Et comme elle dira plus tard dans Pérégrination d'une paria, « Mon enfance heureuse s'acheva à 4 ans à la mort de mon père. Et son enfance dorée ne cessera jamais de la hanter, comme si elle devenait aussi un moteur pour donner à la jeune fille tous les moyens pour s'en sortir. » Donc, elle est considérée comme la fille naturelle d'une mère française et d'un père péruvien. Et elle est également, je vous ai dit qu'elle était fantasque, qu'elle était capable d'inventer certaines choses. Et elle va prétendre qu'elle est en fait née d'une aventure de sa mère avec Simon Bolivar. Donc ça lui permet de se donner aussi un statut puisqu'elle n'en a plus. Et elle va même jusqu'à écrire, fabriquer, publier des lettres soi-disant de Simon Bolivar pour bien prouver le crédit de ses propos. Alors, évidemment, Bolivar, il a fait de très fréquents séjours chez Flora Tristan, mais on a considéré quand même, en vérifiant, que si on compte la durée de grossesse, 9 mois, bien avant, il n'était pas dans cette propriété, donc c'est peu probable qu'il soit le père, mais quand même, et vous pourrez regarder en fonction des portraits que je vais vous présenter, il y a ce regard noir, franc, déterminé, qui ressemble d'ailleurs un petit peu, mais on ne va pas continuer à rentrer un petit peu dans ce mythe. D'autant plus que Simon Bolivar est un personnage très aventurier lui aussi. Il est tombé amoureux de sa future femme, il n'avait que 17 ans, elle avait 18, il voulait se marier, la famille dit « attention, c'est un peu tôt, il vaut mieux que tu ailles un peu barouder avant de te marier ». Il va barouder, il va revenir 2 ou 3 ans après, il va épouser sa femme et sa femme va décéder d'ailleurs très très vite, il en sera profondément marqué et décidera de ne plus jamais se marier, ce qui n'empêchera pas d'avoir une vie sentimentale, amoureuse, particulièrement riche. Donc, peut-être Anne-Pierre, pourquoi pas. Et donc, Simon Bolivar a occupé un appartement, 4 rue Vivienne à Paris, où il descendait lorsqu'il faisait aussi ses voyages assez fréquents. Et pour caler encore une petite ressemblance, peut-être hypothétique, avec Flora. Il est vrai que Bolivar a rencontré énormément d'obstacles pour monter à bien tous ses projets, qu'il s'appela lui-même l'homme des difficultés. Et vous allez voir que Flora va être aussi la femme des difficultés. Donc, sur ce plan-là, en tout cas, ils vont se retrouver. Il faut bien trouver des moyens de trouver de l'argent pour vivre. Et tout compte fait, si Bolivar avait eu un lien particulièrement étroit avec Anne-Pierre, avec Flora, je pense qu'il aurait pu peut-être aussi se préoccuper du sort de ces deux femmes. On n'a plus jamais entendu parler de Bolivar dans l'aréopage de la famille. Et compte tenu que donc elles se débattent dans des difficultés financières, Flora très vite va rentrer à l'âge de 15 ans dans l'atelier des frères Antoine et André Chazal, qui sont des graveurs, qui travaillent beaucoup sur des étiquettes de flacons de parfum, mais aussi des flacons de botanique. Et Antoine, c'est vraiment l'artiste. André, c'est celui qui est dans l'ombre du frère. Et elle va beaucoup travailler dans cet atelier. Et elle travaille également, elle ramène du travail à la maison le soir pour justement avoir un peu de ressources supplémentaires. Alors la mère, Anne-Pierre, elle se dit, tiens, pourquoi pas, on a besoin d'argent. Il y a l'atelier, il y a André qui tombe fou amoureux de cette jeune fille, il a 23 ans, il est ébloui, elle m'inspira une passion violente, dit-il. Et elle avait 15 ans, Flora, lorsqu'elle avait rencontré quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. Mais le mariage a avorté au dernier moment, puisque la famille n'a jamais pu prouver par un certificat légitime l'origine de sa naissance. Donc là, Anne-Pierre se dit, c'est peut-être l'opportunité, et elle va peu ou prou organiser ce mariage avec André Chazal. Et comme dira plus tard Flora, c'était une prostitution légitime en quelque sorte, parce qu'elle ne l'aime pas. On peut dire même qu'elle le déteste, qu'elle a déjà pu apercevoir les travers de son personnage, mais il n'empêche que sa mère décide du mariage. Donc voilà Flora qui devient Madame Chazal. Alors, mais très vite, elle n'avait pas d'argent avec sa mère, elle n'en aura pas davantage dans son couple, l'argent manque, les scènes de ménage sont très régulières, c'est un homme violent, c'est un homme jaloux, c'est un homme de peu de qualité en fin de compte, médiocre dans tout ce qu'il fait, et la situation, bien sûr, va très vite se détériorer, d'autant plus que lorsqu'elle n'était pas sa femme, elle gagnait un peu d'argent, maintenant qu'elle est sa femme, elle ne gagne plus d'argent. Donc, elle retombe encore dans une autre forme de dépendance, et elle va réussir à s'évader un petit peu de ce quotidien qui est particulièrement lourd et destructeur par les lectures de Rousseau, Lamartine, Madame de Staël, et comme ça elle va un petit peu aussi se construire, parce qu'elle est très très jeune, elle n'a quasiment pas d'éducation, et là à chaque fois c'est son passé aussi qui remonte, elle aurait dû avoir une éducation et elle ne l'aura pas. Et elle se rend compte aussi que par ce mariage, elle devient une femme, comme toutes les femmes, considérée comme une mineure incapable. Elle va avoir 2 enfants, Alexandre, qui va mourir à 8 ans, et Ernest. Bon, l'arrivée des enfants ne va rien changer, si ce n'est qu'elle les protège de cet homme violent, qui sont ballottés dans des scènes de ménage particulièrement virulentes. Et lorsque Flora va se trouver enceinte de son 3e enfant, elle décide de fuir parce qu'elle a peur. Elle a vraiment peur pour ses enfants. Elle hait de plus en plus cet homme. Elle fait tout pour s'en détacher cachée. Et l'échec est total, en fait. C'est une femme battue, c'est une femme humiliée, c'est une femme séquestrée. Donc, elle se rend compte que son statut de femme mariée est le pire d'entre tous. Alors, dans un premier temps, elle se réfugie chez sa mère. Puis, lorsque Aline, son troisième enfant, va naître, le 16 octobre 1825, à qui elle jure de lutter pour lui faire un monde meilleur, et ça va être vraiment un slogan moteur dans la vie de Flora, elle décide de vivre seule. Alors, elle va emprunter des différents noms pour échapper à la vindicte, bien sûr, de son mari. Elle va trouver un autre travail de coloriste. Elle est assez douée pour le dessin, elle est assez remarquée pour ce talent-là. Là, et donc, ça va lui faciliter en quelque sorte un petit peu la tâche et ça lui permet de nourrir au mieux ses trois enfants. Évidemment, Chazal, lui, n'admet pas la séparation. Elle n'a pas le droit de partir. Elle est donc hors la loi. Il veut faire mettre ses droits de père en avant. Il va y parvenir, bien sûr, parce qu'il veut récupérer les enfants. Néanmoins, il lui dit « Tu me laisses Ernest et je te fiche la paix ». Elle y croit. Donc, Ernest est laissé près du père. Elle garde Aline. Bon, cela dit, il ne tiendra évidemment jamais sa parole. Et de toute évidence, elle ne reprendra plus jamais la vie commune non plus. Et c'est vrai qu'elle a une pleine conscience du rôle des femmes et elle ne veut absolument pas jouer ce rôle qui incombe quasiment à toutes les femmes de cette époque. La soumission en tout à un mari, chef de famille, et en tant que dépositaire de tous les droits. Elle n'a aucun droit. Et elle se met hors la loi dès lors qu'elle n'abandonne pas le foyer, mais elle ne reste pas vivre avec son mari et vivre avec les enfants. Elle sera poursuivie de nombreuses fois, évidemment, avec Chazal, hein, et elle en a assez. Fin 1825, elle laisse Aline aux soins de sa mère, puisqu'Ernest est avec son père, et là, elle va s'engager auprès d'Anglaise, elle sera dame de compagnie, et elle va voyager en Europe, un peu partout, et par contre, là, on ne saura absolument rien, elle qui note tout, on ne saura rien de cette période où on pense que c'est une période de formation, d'apprentissage, parce qu'elle va rentrer de ce périple et de cette expérience nourrie d'une idéologie qui est le saint-simonisme, qui est une doctrine socio-économique et politique dont l'influence au XIXe siècle a été très déterminante et qui est considérée comme la pensée fondatrice de la société industrielle française. Alors, voilà donc le conte de Saint-Siméon. Le comte de Saint-Simon, pardon, excusez-moi, qui est le créateur de cette doctrine. C'est un personnage économiste, philosophe français. Il est le penseur de la société industrielle française. On sait que là, on est dans le 19e siècle, où il y a beaucoup de choses qui sont en train d'apparaître. L'industrialisation commence à montrer le bout de son nez. Les penseurs sont en train de voir que l'ancien régime est en train de disparaître. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette période-là. Et on le décrit d'ailleurs par la formule « le dernier des gentilshommes et le premier des socialistes ». Alors, en fait, il est le petit-neveu du mémorialiste de Louis XIV, Henri de Saint-Simon, qui, tous les matins, se faisait réveiller par la phrase suivante « Levez-vous, monsieur le comte, souvenez-vous que vous avez de grandes choses à faire ». Alors, il n'en sera pas tout à fait de même pour le petit-neveu, qui est un petit peu plus dans la réflexion, un peu un contemplatif, en quelque sorte. Il a de grandes idées, certes, mais ce sont de grandes idées. Et il prône une société fraternelle dont les membres les plus compétents, industriels, savants, artistes, intellectuels, ingénieurs, administreraient la France le plus économiquement possible afin d'en faire un pays prospère où régnerait l'esprit d'entreprise, l'intérêt général et le bien commun, la liberté, l'égalité et la paix. C'est évidemment très généreux, ça part d'un bon sentiment, et on lui attribue aussi l'expression « l'exploitation de l'homme par l'homme ». Alors, c'est une période où de nombreux courants de pensée vont se créer. Alors, ils apparaissent un peu comme de doux rêveurs. Hein. Et on va d'ailleurs les caricaturer un petit peu, dans ce sens où on va les montrer un peu dans le style de ces épicuriens qui vivent bien, qui ont plein d'idées, mais bon, qui ne font pas grand-chose pour autant, pour transformer leurs idées. Et donc, le féminisme, néanmoins, est vraiment la clé de cette pensée du saint-simonisme et de ses partisans, sauf que on en parle. On passe beaucoup de temps à en parler, mais ces messieurs ne transforment pas l'essai, si je puis dire. Saint-Simon a été complètement indifférent à la réussite matérielle. Hein. Il a quasiment sacrifié son titre, sa fortune, à réfléchir sur ce nouveau monde. Et néanmoins, il mourra heureux, entouré de deux ou trois disciples avec lesquels il va continuer à réfléchir, à avancer de belles idées généreuses. Et ben, il voulait tout simplement sauver une société malade et inventer les structures du monde moderne. Oui, on peut dire qu'il a posé les bases d'une société nouvelle, une société moderne, mais les bases, on n'a pas construit sur les bases. Alors, Flora va capter tout ça. Elle va emmagasiner toutes ces idées qui correspondent assez bien à ce qu'elle a envie de vivre, à ce qu'elle a envie de mettre en pratique aussi et un peu à diffuser autour d'elle. Là, elle est toujours en train de se cacher. Elle est obligée de prendre des noms d'emprunt pour que Chazal ne la retrouve pas. Elle va donc déménager beaucoup pour échapper à ses poursuites, hein, avec évidemment des succès très, très divers. Hein. Et à force de disputes, ils vont passer plusieurs fois devant les tribunaux. Elle va accuser son mari de vouloir qu'elle se prostitue pour payer les dettes du ménage. Et donc, ça va être une querelle, des querelles comme ça, mais elle va quand même obtenir la séparation de biens à défaut de divorce. Le divorce a été aboli en 1816, donc il n'est plus question dans l'immédiat d'y changer quoi que ce soit. Et c'est quand même un tournant important pour elle parce qu'elle se sent moins sous la vindicte de cet homme qui la poursuit et qui la poursuivra encore. Hein. Et là, elle se dit qu'il faut qu'elle prenne véritablement sa vie en main. Elle sait qu'il faut qu'elle prenne aussi des cours, qu'elle apprenne, parce qu'elle n'a pas étudié. Donc, pour obtenir un statut matériel et intellectuel, ça ne va pas être chose facile. Elle a des lacunes hein, intellectuelles, c'est évident. Elle capte vite, elle est intelligente. Mais son orthographe, déjà, est approximative, voire quasiment phonétique. Elle n'est pas inculte, parce que justement, elle a cette curiosité. Et cette curiosité qui va la mener à chercher toujours au-delà de ce qu'elle est capable de voir, d'entendre et de comprendre. Et puis, c'est une passionnée de littérature. Donc, les livres, pour elle, c'est quelque chose de très important. Et c'est une époque aussi où elle se dit, bon, puisque la France n'a pas voulu me reconnaître qu'en fille uniquement naturelle, elle réfléchit et elle se dit, ma famille paternelle est au Pérou, il faudrait peut-être que j'aille voir qu'est-ce qui se passe au Pérou et faire reconnaître mes droits. Et là, elle va prendre contact avec un cousin de son père qui habite à Bordeaux. Elle va là encore fournir des certificats soi-disant de Bolivar qui attestent bien de la paternité de son père, pas de Bolivar, hein, pour prouver que quand même elle fait partie d'une société avec des noms qui comptent. Et donc, elle va arriver à Bordeaux. Le cousin de son père n'est pas très, très heureux d'accueillir cette jeune femme qui se fait passer pour célibataire sans enfant pour ne pas éveiller les soupçons sur son identité. Elle va attendre 2 mois et demi et elle va embarquer le 7 avril 1833, c'est le jour de son anniversaire, à bord du Mexicain. Et c'est grâce au commandant du bateau, Zacharie Chabrier, qui est un Lorientais, qui fait régulièrement la traversée au Pérou, qui connaît bien la famille de son père, et donc elle le convainc de l'embarquer, mais il n'y a pas de femme dans son bateau, donc il est très réticent. Je ne sais pas si elle lui fait beaucoup de charme, mais il tombe amoureux d'elle, et il lui dit qu'il voudrait l'épouser. Il dit, on va faire la traversée d'abord, on verra ensuite. Et donc, elle va embarquer, la traversée dure quand même 6 mois. où elle est cachée, parce qu'il n'y a que des hommes, il y a une vingtaine d'hommes à bord. Donc, pendant tout le trajet, ce Zachary, lui fait sa cour, il parle encore mariage, oui, qu'est-ce fait, mais bon, le temps n'est pas encore là. Et une fois arrivée, bien sûr, au Pérou, elle disparaît, et le chabrier, il n'aura jamais l'épouse Flora Tristan. Alors, à son arrivée, bien sûr, elle se rapproche du frère de son père, Don Pio Tristan de Moscoso, et elle ne va pas être reçue comme elle s'y attendait, elle débarque. Et puis, Don Pio Tristan Moscoso ne mélange pas les intérêts d'argent, que l'on soit fille légitime ou fille naturelle. Et donc là, elle se rend compte qu'elle n'existe pas plus qu'elle n'existe en France, hein. Alors, Don Pio Tristan Moscoso, c'est aussi un personnage très éminent, un militaire, homme politique, et qui a été vice-roi du Pérou, qui représente donc un personnage particulièrement haut placé de l'Espagne, dans cette partie du monde. Donc, c'est là aussi, elle arrive quand même dans une famille très bien établie. Elle va être un peu anéantie au départ, mais ce sentiment de frustration qu'elle va ressentir va assez vite disparaître parce qu'elle vit dans une somptueuse maison, entourée de domestiques, il ne lui manque rien, elle est tout à fait choyée au bout du compte, on ne parle plus d'héritage, de quoi que ce soit. Et si ça fait du bruit, non ? Non ? Ah bon. Et c'est vrai que là, elle va commencer aussi à travailler un petit peu sur ce qui se passe dans son pays presque d'origine. Elle va regarder, elle va étudier et elle va se rendre compte qu'elle a plein de choses à capter de ce territoire. Et tout d'un coup, elle va se rendre compte que partout où elle va, les droits sont contre elle. Et tout d'un coup, donc, elle va revendiquer la qualité de paria, dont elle se fait un titre, la messia des femmes, le messie des femmes. Donc, vous voyez, c'est un peu l'école, hein. Et elle décide qu'elle sera la porte-parole des victimes de l'ordre social. En France, comme femme mariée soumise à l'arbitraire d'un mari en l'absence de toute procédure de divorce, et au Pérou, comme bâtarde, elle a trouvé donc son terrain d'exploitation. Alors voici un portrait. On va revoir quasiment les mêmes portraits parce qu'il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait sur Flora Tristan, ou du moins les portraits qui ont été faits ont pratiquement tous disparu. Mais vous pouvez regarder le regard où il y a une petite similitude de Bolivar. Mais ça s'arrête là, hein, parce que je pense qu'il y a aussi les origines qui font qu'il y a le teint, il y a la chevelure, il y a le regard, il y a le typé en quelque sorte. Alors, au bout d'un certain temps, son oncle, selon la très catholique loi donc, de son pays, le Pérou, va lui octroyer un cinquième de la part d'héritage qui aurait été due si elle avait été la fille légitime. Et là, ça va lui permettre de gagner une autonomie financière. Oh, elle est quand même très, très bien structurée parce qu'elle va donc profiter de cette fortune qu'elle va faire fructifier, qui va lui servir tout au long de sa vie. Donc, c'était déjà quand même un bel héritage. Et elle va voyager. Elle va aller jusqu'à Lima où elle va découvrir, à sa grande surprise, combien les femmes sont particulièrement libres là-bas. Elles montent à cheval, elles fument, elles n'ont pas besoin d'avoir un homme avec elles pour aller dans les restaurants ou dans des bars. Et elle est subjuguée par ce mode de vie. Et celle qui va personnifier le plus la liberté de la femme dans cette partie donc, du pays, c'est Francisca Zubiaga de Gamarra, qui est l'épouse du maréchal Gamarra, héros de l'indépendance et président de la République. C'est une femme au caractère particulièrement affirmé, donc qui nuit à la carrière de son mari, mais qui va devenir un modèle pour Flora. Et elle va se rendre compte que on peut vivre libre, on n'est pas obligé d'être assujetti à un homme, que ce soit le père ou que ce soit le mari. Et cette rencontre va changer beaucoup de choses, évidemment, dans la façon dont elle va aborder les droits de la femme. Et elle s'en servira, bien sûr, pour dans sa vocation de vouloir changer la société. Mais durant son séjour, elle va observer aussi beaucoup ce pays nouvellement indépendant, et elle va noter, mais scrupuleusement, avec une minutie quotidienne, tout ce qu'elle va voir, tout ce qui va capter son intérêt, jusqu'au scandale de l'esclavage dans les plantations sucrières de la côte pacifique. Et de ce journal tenu très minutieusement, eh bien, elle publiera un livre en 1837 sous le titre « Pérégrination d'une paria », qu'elle va dédier d'ailleurs à ses compatriotes au Pérou, les Péruviens donc, et politique, mœurs, religion, tout ça est passé au crible de son regard percutant, avec une analyse mais très très précise, et ça va lui servir bien sûr pour ensuite travailler dans son chemin social en France. Et dans ce texte, elle écrit « Ma mère est française. Pendant l'émigration, elle épousa en Espagne un Péruvien. Des obstacles s'opposant à leur union, ils se marièrent clandestinement et ce fut un prêtre français émigré qui fit la cérémonie du mariage dans la maison qu'occupait ma mère. J'avais 4 ans lorsque je perdis mon père à Paris. Nous revînmes à Paris où ma mère m'obligea d'épouser un homme que je ne pouvais ni aimer ni même estimer. À cette union, je dois tous mes maux. » Et ces maux, elle les portera tout au long de sa vie, bien entendu. Et donc, c'est une période aussi où elle se rend compte qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Le mariage est pour beaucoup quelque chose qui ne participe pas à l'épanouissement des femmes. Et là, elle va d'ailleurs rencontrer Charles Fourier qui fait partie aussi de ces hommes issus du Saint-Simonisme, qui lui réfléchit aussi sur le mariage des femmes en disant « Le mariage est le tombeau de la femme, le principe de toute servitude féminine. Les progrès sociaux s'opèrent en raison des progrès des femmes vers la liberté et les décadences d'ordre social en raison du décroissement de la liberté des femmes. » Évidemment, ce sont des propos qui font mouche dans l'esprit de Flora. Et Fourier, lui, véritablement, aspire à une société nouvelle et harmonieuse, un peu dans la vocation de Saint-Simon. Hein. Il rêve à un phalanstère où l'homme s'épanouirait dans le travail, négligeant la réussite, la célébrité et tous les avantages matériels. Donc, vous voyez, une espèce de lieu comme ça, où on est un petit peu dénué de tout ce qui pèse, de toutes les obligations. Et Stendhal parle de lui comme d'un rêveur sublime, on peut le penser. Et plus tard, par contre, Jaurès vantera son admirable génie. Pour Karl Marx, qui trouve en lui toutes les options fondamentales du socialisme, il est la figure du socialisme critico-utopique, dont un autre représentant est Robert Owen, socialiste réformateur gallois. Alors, quand on parle de cet esprit, ce socialisme critico-utopique, il a lui aussi été raillé à cette époque. Ils étaient un petit peu, tous ces membres-là, des babacools, le peace and love, en quelque sorte, avant l'heure. Hein. On rêve beaucoup, on a envie de mais tout ça reste un petit peu dans des théories avant qu'on aborde la pratique. Par contre, ce Robert Owen a particulièrement compris, lui, le monde du travail, puisque à 20 ans, il gère déjà une entreprise de 500 personnes, ce qui en soi est colossal pour l'époque. Et pendant ce temps-là, lui, il réfléchit sur comment pourrait être l'emploi du temps journalier d'un employé, d'un ouvrier. Et il va le lancer en 1817. 8 heures au travail, 8 heures au loisir, 8 heures au sommeil. On n'a rien inventé de mieux depuis, si ce n'est qu'on a grignoté un petit peu plus sur le temps de travail. Mais déjà, on cale ce qui va se présenter plus tard qui seront également les fondements de l'entreprise et de l'usine. Hein. Et lui, donc, il pense qu'on peut arriver à un autre modèle de société. Et d'ailleurs, ce fait des 8 heures partagées donc en 3 fois 8, en quelque sorte, va devenir le slogan de la première internationale. Donc là, on est en plein dans ce qui nous amène à l'évolution donc, du mouvement ouvrier, en quelque sorte, hein, et notamment du mouvement ouvrier français, puisque là, on va complètement intégrer ce propos dans les avancées du monde du travail en France. Et Robert Owen est considéré comme le père fondateur du mouvement coopératif. Donc là, on voit qu'on est dans une période quand même où on sent que les choses avancent, mais elles avancent d'une façon globale, ce qui n'est pas ce que Flora, elle, attend de la société et de son évolution. Et d'ailleurs, ce Robert Owen a sa statue à Manchester, hein, qui a été érigée pour mémoire du travail qu'il a mené dans les entreprises et plus spécifiquement dans les usines. Alors, Flora, elle écoute. Bien sûr qu'elle est attentive, bien sûr que tout ça la séduit, mais elle en a un petit peu assez des théories. Et à partir de là, donc, elle va s'écarter de cette doctrine utopiste. Utopiste, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, parce qu'elle aspire à beaucoup plus d'avancées dans l'organisation pratique. Et elle veut des choses, des mesures plus concrètes. Et puis, elle veut aussi qu'on mette un peu plus la femme au sein de ces propositions. Et elle va continuer à mesurer un petit peu les avancées, à trouver comment se situe la place de la femme dans cette évolution. Et elle va commencer à édifier les conditions nécessaires à l'émancipation de la femme. Parce que pour elle, l'émancipation de la femme, elle doit être sociale, elle doit être dans sa vie quotidienne, elle doit être également dans le monde du travail. Il ne faut pas oublier que Flora, durant son séjour au Pérou, a fréquenté les plus hautes sphères donc d'Arequipa, de Lima aussi. Et quand elle est rentrée à Paris, bien sûr, eh bien, elle a souhaité intégrer les cercles littéraires et aussi politiques de Paris. Alors évidemment, elle n'est pas très bien vue parce que sa qualité de femme seule, c'est un désavantage pour elle. Elle a des expériences de voyage, elle n'a pas d'homme, elle n'a pas d'enfant parce qu'elle se cache par rapport à sa vraie identité. Et elle s'expose souvent aux outrages de toutes sortes. Une femme non accompagnée de son mari s'affiche comme suspecte, sinon coupable. Et même les femmes, d'ailleurs, vont être assez prudentes par rapport à l'apparition de cette femme qui revendique beaucoup de choses, qui est très, très audacieuse. Hein. Elle est un peu dangereuse quand même, parce qu'on ne sait pas trop d'où elle vient et elle veut changer le monde, en quelque sorte. Et elle continue donc à noter toutes ses impressions et elle va produire en 1835, sous ses initiales Madame FT, elle se cache toujours, une brochure d'inspiration et de sensibilité utopique. On reste toujours dans ce domaine utopique, sauf qu'elle veut partir de là pour s'en détacher et aller au-delà, et qui va s'appeler « Nécessité de faire un bon accueil aux femmes étrangères ». Et cet ouvrage porte déjà en lui eh bien, tous les prémices de ses combats futurs. Et elle sait de quoi elle parle. Elle est allée à l'étranger, elle a bougé, elle a voyagé, et elle sait comment elle a été mal reçue. Et donc, ce livre, en fait, propose les statuts d'une association destinée à fournir aide, accueil, logement aux femmes seules, celles qui viennent de l'étranger. Et elle se souvient, quand elle est arrivée à Arequipa, même si elle était reçue par sa famille, mais elle sait qu'il y a des femmes aussi qui viennent d'ailleurs. Vous voyez comme quoi c'est aussi un combat qui existe encore de nos jours. Et elle va dresser une typologie des différentes situations. Les femmes qui voyagent pour le plaisir, les femmes qui voyagent pour le travail, pour les affaires, par obligation, et les plus nombreuses, celles qu'un malheur a jetées sur le pavé de la rue. Donc, elle est un petit peu tout ça. Elle sait de quoi elle parle, elle sait qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire aux autres femmes. Et elle voudrait surtout être reconnue comme femme de lettres, parce qu'elle parle, elle a plein d'idées, mais toujours aussi complètement consciente de ses lacunes intellectuelles. Elle sait qu'elle a du mal à passer certains clivages et elle reste un petit peu en marge. Et elle pense qu'avec la production de ce genre d'ouvrage, elle franchira cette porte qui lui permettra d'accéder au monde intellectuel. Bon, elle est quand même rusée, elle sait faire, elle est douée d'un bon sens de la communication, de surcroît, elle est très belle. Donc ça lui permet aussi d'avancer sur sa route et de se faire un petit chemin pour aller droit vers les personnes et les gens qu'elle veut vraiment rencontrer pour amener à proposer ses idées. Et en octobre 1835, elle va retrouver Fourier. Depuis, elle a travaillé, elle a enrichi son discours et elle va le supplier. « Employez-moi, je vous en aurai une gratitude infinie. Je peux vous assurer que vous trouverez en moi une force peu commune à mon sexe, un besoin de faire le bien et une reconnaissance profonde pour tous ceux qui me procureront les moyens d'être utile. » Elle veut être utile, ça c'est clair, parce qu'elle veut changer les choses et elle ne veut pas que toutes ces réflexions ne soient menées que par des hommes. Elle veut aussi que les femmes y soient intégrées, parce que qui mieux qu'une femme peut parler des femmes. Eh bien, c'est ce qu'elle veut démontrer à travers donc toutes les animations qu'elle va faire. Et là, elle va se rapprocher également des femmes qui œuvrent de leur côté. Elle va être présente sur tous les fronts. Elle va assister aux réunions du jeudi qui sont organisées par la Gazette des Femmes. Et elle va nouer des liens, notamment avec Eugénie Niboyer, qui est écrivaine et journaliste, militante du droit des femmes, et qui est, elle aussi, conquise par les idées des Saint-Simoniens, sauf qu'elle veut aller au-delà de ça. Il ne faut pas rester dans ce qu'elle appelle une espèce de carcan. Alors, Eugénie organise à Lyon, en 1832, la première organisation féminine pour la paix dans le monde, et elle fonde la Tribune des Femmes. C'est le premier journal féminin complètement constitué de femmes et qui milite dans la mouvance saint-simonienne, mais avec une parole de femme. Donc c'est ça qui va changer évidemment beaucoup de choses à l'intérieur de ces projets. En juillet 1837, elle accompagne Owen, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Gallois, qui va mener un certain nombre de conférences à Paris. Elle est un peu la parole féminine, si vous voulez, à côté de ces hommes qui arrivent forts de leur certitude, en quelque sorte, de leurs idées. Et ça va lui permettre aussi de prendre la parole et de montrer qu'elle a aussi des choses à dire. Elle est accompagnée également de Jules Laure, un artiste peintre, qui sera jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs un ami fidèle et qui va militer avec elle, à ses côtés, notamment pour le rétablissement du divorce. Ça, c'est un combat qu'elle mènera, et l'abolition de la peine de mort. Ça, c'est vraiment les deux thèmes qui sont un peu les fondements, si vous voulez, de la pensée de Flora. Et elle commence d'ailleurs à avoir un petit peu d'aura, puisque bon nombre de journaux socialistes et républicains vont reproduire ses pétitions, ce qui l'a fait progresser et qui l'amène un peu plus sur le devant de la scène. Alors voici un tableau de Jules Laure. Vous voyez toujours ce même type. Alors je ne sais pas si tous ont été payés. Peint par Jules Laure. Néanmoins, on retrouve toujours quasiment cette même pose, ce même visage. Et Jules Laure est quelqu'un qui va l'accompagner, je vous disais, jusqu'à la fin de sa vie, qui va prendre soin d'Aline au décès de sa maman. Et les portraits donc, qu'il a peints ont quasiment donc, tous disparu, ce qui laisse peu de mémoire en matière notamment de tableaux. Et il fera par contre, en 1849, un portrait du bébé Paul Gauguin, âgé de 1 an. Mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Pour le moment, laissons Flora suivre son parcours. Elle va rencontrer un autre homme, qui aura lui aussi beaucoup d'influence et qu'elle essaiera aussi, elle, de porter, de bifurquer un peu plus sur le cheminement féminin, c'est Victor Considérant. Alors, ce n'est pas un personnage particulièrement sympathique et qui se mettait toujours très en colère parce qu'on l'appelait Considérant. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire Considérant. Et il tapait du poing chaque fois sur la table en disant « Il n'y a pas d'accent sur mon « e », je m'appelle Considérant ». Ça a été son grand combat, entre autres. Donc, mais il n'était pas vraiment, il ne faisait pas partie des gens les plus charmants, mais il avait du poids. Il était capable donc d'apporter quelque chose en plus dans les propos de Flora, parce qu'elle a toujours su aussi trouver, elle, ses filiations. Hein. Et Victor Considérant donc avait aussi de grandes théories à défendre. Néanmoins, elle va oser l'attaquer et dénoncer son immobilisme rêveur, et elle va l'interpeller carrément en public. L'intelligence des peuples est aujourd'hui trop développée pour qu'on puisse longtemps les répéter de mots. Il est de votre devoir, de votre humanité, de vous expliquer, et au plus vite, sur ce que vous pouvez faire et sur ce que nous pouvons tous faire pour arriver à la réalisation de l'Éden que, sur la parole de Fourier, vous vous faites pressentir. Parce qu'ils se réclament tous un petit peu de Saint-Simon, de Fourier, mais on n'avance pas. Et ça, c'est insupportable pour Flora, qui veut absolument que ces hommes disent véritablement ce qu'ils ont l'intention de faire. Tout ça reste encore des théories sans vouloir accepter la participation des femmes. Donc, il y a les femmes d'un côté, Eugénie Niboyet, et Flora Tristan et d'autres aussi. Et puis, il y a ces hommes qui réfléchissent, qui sont des grands penseurs, mais pas de grands actifs. Elle va publier en novembre 1837 son roman. Je suis allée un peu trop vite. Son roman Mes fils. Voilà, son roman Mes fils. On appellerait ça aujourd'hui une autofiction, en quelque sorte. C'est un roman où elle se raconte, où elle raconte aussi la société qu'elle veut avoir. Et là, elle apparaît vraiment comme la militante rebelle qui donne libre cours à son rêve, l'avènement d'une société où la femme serait associée à la marche du monde et deviendrait guide de l'humanité. Et elle est persuadée que le changement social ne s'obtiendra pas depuis les cercles intellectuels, mais depuis le terrain. Et c'est ça qu'elle fait. Elle parcourt le terrain. Et quand je vous ai montré donc George Sand et Flora Tristan, si je vous les montre toutes les deux l'une à côté de l'autre, c'est parce que souvent, on les a prises l'une pour l'autre. Elles étaient toutes les deux saint-simoniennes. Mais Flora Tristan, c'était la femme de terrain, hein, c'est elle qui va aller vraiment défendre sa parole, tandis que George Sand était la femme de salon. Donc ce sont des femmes, si Flora Tristan aurait très bien pu s'entendre avec George Sand, mais George Sand ne l'aimait pas, et puis George Sand bénéficiait d'un statut, c'était la belle George Sand, et quand on disait qu'elles se ressemblaient toutes les deux, il est évident que Flora Tristan faisait donc de l'ombre à George Sand. Mais il y aura d'autres petites aventures avec George Sand après. Donc Mes fils, le roman, et c'est à travers ce roman que Flora Tristan voudrait être reconnue véritablement comme une intellectuelle, parce qu'elle publie un livre. Donc maintenant, on devrait pouvoir l'assimiler aux autres écrivaines. Oui, mais elle est tellement donneuse de leçons, porte-parole d'une vocation politique, un peu trop voyante sur la scène socialiste, que bon, ça met quand même un frein dans sa vocation d'intellectuelle, même si elle a des capacités. Mais c'est vrai aussi que Mes fils va être un tournant quand même dans sa vie. C'est le seul roman qu'elle va écrire, mais c'est pas franchement un roman puisque c'est une autobiographie déguisée, donc autofiction comme on emploie aujourd'hui sur bon nombre d'écrits. Alors, elle avance. Maintenant, bon, elle se présente sous son vrai nom. Hein, et comme par hasard, Chazal, bien sûr, qui ne l'a jamais vraiment quitté du regard, va repartir à sa chasse. Il réapparaît. Et puis, la notoriété de sa femme, ça le dérange quand même, lui qui est un pas grand-chose. Il trouve que c'est un petit peu, ça dépasse un petit peu le bon sens, même s'ils ne sont plus considérés comme époux, hein, puisqu'ils sont séparés. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever sa fille, Aline, qui a 10 ans. Et donc, les enfants vont être ballottés, pris encore en étau dans des querelles pas possibles. En plus, Aline, elle ne connaît pratiquement pas Ernest, puisqu'Ernest vit avec son père. Donc, ces deux enfants qui se regardent, mais qui n'ont pas franchement d'attache. Et ça va être terrible aussi pour ces deux enfants. Et ils font l'objet de chantage, toujours de la part de Chazal, puisque maintenant, Flora est tellement connue qu'il veut récupérer Aline. Elle ne veut pas, donc il l'enlève. Hein. Il veut faire reconnaître toujours ses droits. Et il le fait d'une façon très violente. Et il va même être accusé d'inceste envers sa fille. Et Ernest va témoigner en ce sens. On ne sait pas exactement si c'est vrai, mais bon, là aussi, le contexte est tellement déplorable que tout est bon pour accuser l'un ou l'autre. Et c'est vraiment catastrophique pour les enfants. Mais Chazal, il ne désarme pas. Et le 10 septembre 1838... il guette Flora au sortir de chez elle, où il a tout prévu. Il a le pistolet, il a les balles, et il lui décharge le pistolet en pleine poitrine. Elle va rester plusieurs jours entre la vie et la mort. Les gens du quartier, évidemment, sont tout émus. C'est quand même grave, c'est consternant. Et ils vont même déposer une épaisse couche de paille sous les fenêtres de l'appartement de Flora Tristan pour atténuer le bruit des chevaux et des roues. Et du coup, la publicité que lui vaut le geste criminel de son mari alimente les ventes de son roman Mes fils. Elle n'est pas dans un bon état de santé, mais depuis son lit de convalescence, elle va inciter l'éditeur à le republier. Alors là, ça va être un succès fulgurant. Elle, qui n'était pas connue que dans les sphères vraiment politiques, va devenir un personnage digne de sympathie, de notoriété. Et donc, comme quoi l'attentat lui aura valu quelque chose. Et en quelques jours, donc, elle va développer une très belle notoriété. Le livre va avoir un succès considérable. Mes fils va se vendre. Et du coup, le succès que la critique lui refusait est au rendez-vous à partir de ce moment-là. Et donc, c'est pour ça aussi que je vous ai montré Flora Tristan et George Sand. Parce que pendant qu'il y a eu cet accident, cet attentat, il y a eu une rumeur qui a couru à Paris, une femme de lettres qui a été attentée par son mari en pleine rue. Alors, qui sait? On pense que c'est George Sand, parce que il y a des ressemblances entre les deux femmes, mais il y a aussi des ressemblances dans leur vie conjugale, leur vie sentimentale, aussi agitée l'une que l'autre. Flora avec son Chazal, mais George Sand aussi avec ses nombreux amants. Et donc, on a un petit peu mélangé, ça n'a évidemment pas plu à George Sand. Là encore, une fois de plus, avec cet attentat, Flora lui fait de l'ombre. Et les deux femmes ont un destin quand même assez similaire. Alors cet épisode, évidemment, va aboutir à un jugement, enfin, dans le couple Chazal, parce que vraiment, Flora va obtenir la séparation de corps, cette fois bien officielle. Elle est séparée depuis près de 10 ans. Pas de divorce, parce qu'il n'y a pas d'éléments probants. Bon, on lui tire dessus, mais il n'y a pas d'éléments probants, mais plus fondamentalement, le divorce a été aboli en 1816. Hein, donc, il aurait fallu le remettre en actualité. Là, hein. Mais comme quoi, vous voyez, il n'y a pas d'éléments probants. C'est quand même assez cocasse. Hein. Alors, Chazal va être condamné le 1er février 1839 à 20 ans de travaux forcés par la cour d'assises de la Seine. Bon, ces 20 ans de travaux qui, en fait, vont se transformer en année de prison, parce qu'on va se rendre compte que tout compte fait, les accusations, elles ne sont pas si bien fondées que ça. Et il finira brocanteur dans la banlieue parisienne. Mais en tout cas, Flora n'entendra plus jamais parler de lui. Et Flora peut désormais recouvrer sa liberté et surtout la jouissance de son nom, Flora Tristan. Elle n'a plus à se cacher. Donc ça, c'est aussi important pour elle. Être débarrassée de quelqu'un qui la pourchasse avec ses enfants, c'était quand même très catastrophique pour cette jeune femme. À Paris, elle se trouve au moment où il y a les fameuses trois glorieuses, les trois journées d'insurrection populaire, 27, 28, 29 juillet 1830, au terme desquelles Charles X laisse le trône à son cousin, le duc d'Orléans, futur Louis-Philippe. Donc il y a une bouffée d'oxygène là encore qui apparaît et Flora se considère encore beaucoup plus attachée au saint-simonisme et elle va s'atteler à défendre et à développer encore un petit peu plus ce saint-simonisme. On sait qu'elle a été dame de compagnie donc avec des Anglaises, qu'elle est allée en Angleterre, et là, elle va retourner à Londres en août 1839. Et Londres lui était apparue au début de ses voyages comme une énorme ville qui l'avait d'ailleurs éblouie, une très belle ville, très, très illuminée, très, très longue. Elle a aimé l'architecture, elle a aimé aussi le côté cosy des habitations, mais ça, c'était la face qu'elle a connue avant. Et quand elle va retourner, elle va retourner, mais pour voir autre chose. Parce que là, elle va mener une vaste enquête sur l'Angleterre industrielle, parce qu'elle considère que c'est le laboratoire de la civilisation qui gagnera l'Europe. Et elle veut aller vérifier un petit peu ce qu'on fait avec les hommes dans ce projet d'industrialisation. Et alors, elle va mettre en garde contre le modèle de développement où l'homme est sacrifié à la tyrannie du profit. L'homme est sacrifié à la tyrannie du profit. Ça nous parle encore, hein? Bon. Et là, donc, automatiquement, elle va aller dans les bas-fonds, elle va voir le Londres de Dickens, en quelque sorte, et elle va se rendre compte que les familles sont dans des états de pauvreté incroyables, les enfants sont pieds nus, ils quémandent dans la rue, ils ramassent ce qu'ils peuvent trouver, et ce qui va la frapper, c'est ces clubs, et clubs pour hommes. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces hommes, en train de boire, en train de manger, sans leurs femmes? Et qu'est-ce qu'elles font, les femmes, pendant ce temps-là? Ben, les femmes, elles sont à la maison. Alors, elle veut essayer aussi d'aller au Parlement. Le Parlement est interdit aux femmes. Là aussi, elle va s'insurger. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'habiller en turc et elle va réussir à pénétrer le Parlement. Et elle veut prendre la parole et elle est obligée de se taire, puisqu'elle est là complètement inconnue, elle n'a pas, elle utilise en plus une identité qui n'est pas la sienne. Et là, elle prend conscience que le Parlement, c'est quoi? C'est une réunion de vieux messieurs qui réfléchissent sur des projets qui ne verront jamais le jour, parce qu'en fait, elle les sent peu concernés, et elle va revenir vraiment, mais complètement transformée et en même temps complètement consciente des dérives de ce monde qui est en proie à un virage complètement industriel. Et donc, elle aussi, dans sa vocation de changer le monde, elle veut intégrer socialisme et féminisme parce qu'elle considère qu'ils sont étroitement liés dans les principes et sa force de conviction se nourrit aussi de son vécu de paria, comme elle dit, hein. Enfant naturel, femme battue, femme séparée de son mari, rejetée par la loi et la morale. Et donc, elle a beaucoup de choses encore à transmettre. Et ce troisième voyage donc à Londres va être assez négatif à tout point de vue. Et comme elle dit, elle n'aime pas la grisaille de l'Angleterre. Il ne faut pas oublier qu'elle a des origines péruviennes. C'est la fille du soleil. Et cette grisaille, ce brouillard, on se cogne, on touche des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit même pas tellement le brouillard est épais, raconte-t-elle. Et elle dit ceci, « Je mène ici une vie de chien. Je n'ai pas embrassé un front d'homme, pas serré la main d'une femme, pas souri à un enfant. » Pas saluer un vieillard. Non, ici, tout ce qui est humain me répugne, me glace. Je crains qu'en arrivant à Dieppe, je n'arrête le premier homme un peu propre pour lui dire « Monsieur, permettez-moi de vous embrasser les cheveux et de lire dans vos yeux que vous seriez susceptible d'amour et non de chiennerie comme ces maudits anglais. » J'espère qu'il n'y a pas d'anglais dans la salle. Hein. Alors, elle va revenir donc de Londres et en mai 1840, j'ai un petit problème. Voilà. Elle va publier Promenade dans Londres. Alors, Promenade dans Londres, ça peut paraître un magnifique outil pour visiter les monuments, visiter les musées. Non, c'est pas ça. Promenade dans Londres, c'est ce qu'elle a vu dans les quartiers les plus déshérités et c'est ce qu'elle va rapporter et c'est ce qu'elle va montrer. Regardez l'industrialisation, voilà où elle va vous mener, voilà comment elle va utiliser l'homme dans ses actions. Alors, c'est vrai que ce livre va être perçu comme une diatribe particulièrement féroce contre le capitalisme et la bourgeoisie que Flora rend responsable de tous les maux de la société. Alors, elle y fait... Je suis désolée, mais je suis obligée de revenir en arrière. Elle y fait l'éloge de Mary Wollstonecraft, qui est une Anglaise qui, elle aussi, va mener donc énormément d'actions pour montrer l'image. Il y a le beau Londres et puis il y a le Londres beaucoup moins sympathique, beaucoup moins touristique. Et c'est une institutrice, femme de lettres, philosophe, qui va, dans son féminisme, également produire un livre qui est donc « Défense des droits des femmes ». Et c'est vrai qu'elle va beaucoup toucher Flora qui va aussi récupérer de cette formation beaucoup d'éléments pour continuer son combat de militante socialiste. Elle est toujours investie, je vais repartir à ma bonne place, elle est toujours investie évidemment dans sa mission d'organiser les classes laborieuses. Hein. Elle proclame que toutes les institutions sociales doivent avoir pour but l'amélioration du sort moral, physique et intellectuel de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. C'est ça qu'elle veut vraiment défendre. Et c'est son cheval de bataille. Elle va associer femmes, ouvriers, dans les filatures, les imprimeries, mais aussi en tant que femme de lettres, parce qu'elle n'a pas oublié qu'elle veut aussi être une femme de lettres, qu'elle veut être reconnue comme une intellectuelle. Et elle va organiser le débat social dans les années 1840. Et c'est ainsi qu'elle participe au premier pas de l'internationalisme. Et elle va partir, elle va aller témoigner, elle n'aura de cesse d'expliquer aux faibles, aux opprimés, les forces de l'Union, ajoutant aux vertus républicaines de liberté, égalité, fraternité, celles de solidarité. Et elle les incante, ouvriers, ouvrières, comptez-vous, pris un à un, vous n'êtes rien qu'un grain de poussière broyé sous la grande roue. Mais assemblez-vous, unissez-vous, vous êtes 5 millions, et 5 millions, c'est une force. Eh bien, moi, j'ai entendu presque ces propos hier. Vous aussi. Bon, je crois qu'on a écouté la même chose. Donc, vous voyez qu'il y a une résonance. Et on est quand même dans les années 1840. Donc, il y a une espèce d'effet répétitif qui fait que, eh ben, on va continuer, mais rien ne changera fondamentalement. Elle rêve d'une grande union ouvrière, un pont jeté entre la civilisation qui se meurt et l'ordre social harmonique qui annonce les grandes unions syndicales. Et elle va travailler dans ce sens. Bon, c'est vrai que je vous disais qu'elle veut être reconnue comme une intellectuelle. C'est bien d'aller prendre les bonnes paroles. Et donc là, elle ballotte parce que il faut qu'elle choisisse, est-ce qu'elle est une syndicaliste, entre guillemets, une dénonciatrice aussi des abus sur les classes les plus pauvres, ou est-ce qu'elle est une écrivaine, une intellectuelle, et elle a goûté aux honneurs aussi. Alors, il y a ce paradoxe chez elle, hein. Elle est prête à batailler pour les plus pauvres, mais elle aime bien aussi quérir les honneurs. Et en juillet 1841, elle va solliciter les pouvoirs commerciaux de la France pour obtenir une pension littéraire au nom des intérêts qu'elle aurait éclairés dans les pérégrinations et les promenades dans Londres, parce qu'elle a apporté des éléments qui permettraient de changer la société. Elle ne va pas recevoir. Donc là encore, ça, c'est compliqué. Néanmoins, elle continue aussi, elle s'est approchée des hommes, et des bonnes personnes, des belles personnes, je dirais, fortes au niveau de la pensée. Et elle va continuer, elle va utiliser leurs livres et d'autres encore pour continuer à structurer sa pensée et ses réflexions, bien sûr. Et si elle n'a pas les moyens d'acheter des livres, eh bien, elle va dans les librairies et debout, elle lit, dans les librairies notamment du Palais Royal, elle lit debout, elle va dévorer les romantiques, Lamartine, Benjamin Constant, Madame de Staël, Chateaubriand. Et c'est ainsi qu'elle va construire le grand projet de sa vie, le plus important de sa vie, c'est l'Union ouvrière. Un autre portrait. Oui, toujours, on n'a pas de variante hein, de Flora Tristan. Hein. Et elle va donc fonder l'Union ouvrière dans un but très clair. Organiser les travailleurs, exiger le droit au travail, veiller à l'éducation des enfants et verser une pension aux ouvriers âgés. Bon, ça nous paraît, je dirais pas banal, mais ça n'existait pas. Bon, on est encore obligé de se battre aujourd'hui un petit peu pour garder nos acquis, en quelque sorte. Hein. Et son engagement donc aux côtés des prolétaires va s'affirmer avec la publication en novembre 1842 donc, d'une édition populaire, c'est l'Union ouvrière, qui sera remaniée plusieurs fois pour être accessible à tout le monde. Et elle va remanier également Promenade dans Londres, puisque Promenade dans Londres parle aussi de tout ces problèmes d'ouvriers et du social dans les entreprises. Et ces livres, elle va les dédier aux classes ouvrières, véritablement. Alors, le livre sera évidemment reproduit. Union ouvrière, c'est l'œuvre magistrale, l'œuvre majeure, la seule, l'unique, on pourrait dire, de Flora Tristan. C'est vraiment celle qui signe la vie et l'engagement de Flora. Alors, c'est une œuvre qui va être publiée grâce à une souscription, parce que c'est une œuvre qui demande évidemment une publication la plus large possible. Elle n'a pas franchement trop les moyens. Et les éditeurs, d'abord, sont complètement effrayés. C'est un brûlot. Ils n'ont pas tellement envie de s'engager dans une démarche qui risquerait de leur coûter très cher. Ils trouvent que, d'ailleurs, sa démarche est très audacieuse, mais la femme l'est aussi. Hein. Donc, elle va jusqu'au bout de sa pensée. Et c'est le premier manifeste politique cohérent d'une femme pour qui lutte des femmes est indissociable à lutte ouvrière. Lutte ouvrière, hein, je vous parlais tout à l'heure d'Arlette, hein, ben on est dans la lutte ouvrière. Hein. Alors, elle apostrophe évidemment les plus démunis, parce qu'elle veut les ramener vers elle. Les plus démunis, ce sont ceux qui sont les plus exploités aussi, et notamment les femmes. « Mes sœurs, je vous jure que je vous délivrerai », dit-elle. Et c'est aussi l'un des premiers appels à l'établissement d'une organisation donc internationale, ouvrière, dirigée par les classes laborieuses elles-mêmes, où les femmes, enfin, auraient leur juste place, parce que pour le moment, rien ne permet aux femmes d'approcher ce type de structure. Hein. Et dans son livre, elle retrace évidemment le parcours et les rencontres qu'elle a faites auprès des ouvriers, femmes et hommes, parce que c'est vrai que lorsqu'on voit Fourier, Owen et les autres, ils parlent de l'homme, mais ils n'ont jamais dit qu'ils parlaient de la femme. Et elle, justement, elle fait le distinguo entre homme et femme, ou du moins, elle parle de l'homme avec le H majuscule quand elle évoque ce mot. Et elle a rencontré des gens très simples dans toute la France. Partout où elle va, elle rencontre les plus démunis et pour leur expliquer qu'ils peuvent changer leur monde à eux. Alors, l'Union ouvrière se présente sous un petit livre, genre format de poche, assez mince. Pourquoi ? Eh bien, parce que les ouvriers pourraient le cacher. Pas dans la poche, ils peuvent être fouillés en sortant de l'usine. Mais sous la casquette. Parce que là, on ne penserait pas franchement à aller voir. Donc, il faut qu'il ait un format un peu spécifique. Et donc... c'est un format sous la casquette. Et donc, il doit être, comme elle dit, fourré aux casquettes des ouvriers. Donc, et l'affranchissement des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, dit-elle. L'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est le prolétaire du prolétaire même. Elle essaie de faire prendre conscience. Ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, elle est souvent mal accueillie par les femmes qui pensent qu'elle va débaucher leur mari. Donc, vous voyez, il y a une ambiguïté aussi dans le langage. Ben, on n'a pas l'habitude de voir des femmes mener des campagnes de cette envergure. Alors, son programme. Programme de Flora Tristan. Constituer la classe ouvrière au moyen d'une union compacte, solide et indissoluble. Faire représenter la classe ouvrière devant la nation par un défenseur choisi par l'Union ouvrière, salarié par elle, afin qu'il soit bien constaté que cette classe a besoin d'être et que les autres classes l'acceptent. Faire reconnaître la légitimité de la propriété des bras. En France, 25 millions de prolétaires n'ont pour toute propriété que leurs bras. Faire reconnaître la légitimité du droit au travail pour tous et pour toutes. Faire reconnaître la légitimité du droit à l'instruction morale, intellectuelle, professionnelle pour tous et pour toutes. Examiner la possibilité d'organiser le travail dans l'état social actuel. Élever dans chaque département des palais de l'Union ouvrière où l'on instruira les enfants de la classe ouvrière intellectuellement et professionnellement et où seront admis les ouvriers et ouvrières blessés en travaillant et ceux qui sont infirmes ou vieux. Reconnaître l'urgente nécessité de donner aux femmes du peuple une éducation morale, intellectuelle et professionnelle afin qu'elles deviennent les agents moralisateurs des hommes du peuple. Reconnaître en principe l'égalité en droit de l'homme et de la femme comme étant l'unique moyen de constituer l'unité humaine. C'est moderne, c'est d'actualité, il n'y a rien à changer. Alors l'Union ouvrière, bien sûr, va la conduire à un porte-à-porte auprès de nombreuses personnalités, des travailleurs, travailleuses, bien sûr. Et pour présenter son projet, elle va organiser un tour de France un peu sur le modèle des compagnons. Et elle va s'appuyer sur les réseaux maçonniques également, de manière à élargir le plus possible son envie de porter sa parole. Et elle ne va négliger aucun appui, hein, même si le livre ne plaît pas. Elle n'hésite pas à aller voir les hommes politiques, les écrivains, les artistes, les poètes, les ouvriers, enfin tout ce que la société comprend de gens capables de l'écouter, de comprendre sa démarche. Alors ça va être un petit peu compliqué parce que, bon, quand on la voit venir, oula, c'est vrai qu'elle y va, elle n'a pas peur. Donc, elle va recevoir des accueils plus ou moins timorés, des refus très souvent, un soutien formel, un peu exprimé, mais c'est clair que son livre va déranger plutôt qu'arranger un possible projet collectif. Eh bien, elle va décider d'une prospection, une semaine de propagande à Bordeaux, elle revient donc à Bordeaux, du 15 au 20 septembre 1843, pour tester un peu son projet, en fait. Hein. Et donc là, elle va voir que ben, ça rebondit pas si mal que ça, et elle va partir faire son tour de France, qui va débuter le 12 avril 1844, après la publication d'une deuxième édition, hein, toujours par souscription. Donc, il y a quand même des gens qui ont souscrit à son idée. Alors, évidemment, ça ne va pas se passer sans des heurts, parce que la police l'épie, elle commence à être connue, elle dérange. Et elle va être d'ailleurs arrêtée plusieurs fois. Mais enfin, ce sont des arrestations sans grandes conséquences. Hein. Elle ne fait pas véritablement de mal. Elle n'est pas dangereuse, si ce n'est que les propos qu'elle distille ne sont pas du goût de tout le monde. Et puis, elle a également un problème dans les villes qu'elle va traverser, parce que souvent, on lui refuse une chambre d'hôtel au prétexte on ne loue pas aux femmes seules. Donc, c'est aussi un handicap. Cette femme, quand même, elle dérange. Elle n'a rien qui puisse la conforter dans un statut social qui permettrait de prendre en compte ce qu'elle est et ce qu'elle pourrait faire dans telle ou telle ville. Et tout au long de son tour de France, elle va, là encore, tenir un journal. C'est quelqu'un qui n'aura eu de cesse de noter minutieusement tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, parce qu'elle fait parler les gens. Elle parle, mais elle collecte aussi les impressions de toutes les personnes qu'elle va croiser sur sa route. Et elle publiera Tour de France, état présent de la classe ouvrière, dans lequel elle a enregistré les faits, les chiffres à l'appui, la réalité de la situation ouvrière, selon les villes, les professions et le sexe des travailleurs. C'est vrai que le travail vu par le regard de l'homme n'est pas forcément la même chose que vu par le regard de la femme. Donc c'est intéressant de confronter aussi les points de vue. Et donc tout ça va être un travail sans précédent. C'est un travail colossal qui va être édité au service des prolétaires qui sont divisés, bien sûr, mais surtout ignorants de leur propre exploitation parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils travaillent, mais ils ne se posent pas les questions de savoir s'ils travaillent dans les bonnes conditions, s'ils sont exploités ou pas. Donc c'est quand même quelque chose qui va être important. Alors voilà le tour de France donc, de Flora Tristan, deux tomes. Et donc c'est un contexte qui va la rendre complètement enthousiaste parce que les échos sont complètement favorables. Tout le monde est là, elle fédère énormément de gens autour d'elle dès qu'elle apparaît quelque part. Et là, elle va mêler mysticisme et humanitaire. Et tout d'un coup, pourtant, ses forces déclinent. C'est très épuisant ce qu'elle fait. Elle est seule, elle se bat contre tous. Eh bien, elle va magnifier le caractère divin de sa mission, sans lequel elle ne pourrait pas tenir, à vrai dire. Elle est certaine d'être une envoyée de Dieu. « Me voilà, sans l'avoir prémédité, la femme guide, telle que moi aussi, dans mon bon sens, je l'avais rêvé », écrit-elle à Lyon en 1844. Rappelez-vous, la messia des femmes. Et elle est persuadée qu'en fait, elle a une mission à accomplir. Comme quoi, elle est partie de rien, et tout compte fait, c'est pas si mal, parce qu'elle a pu faire sa mission. Et sinon, son destin aurait été complètement différent, bien sûr. Elle n'aurait pas eu cette mission divine, comme elle le proclame. Et à Lyon, elle va rencontrer une jeune fille qui est blanchisseuse, Éléonore Blanc, qui va tomber sous son charme, sous le charme de ses propos, et qui va la suivre dans ses pérégrinations, si je puis dire, et qui va, elle, être à ses côtés pour noter aussi le complément de ses informations. Et Flora la considérera, d'ailleurs, comme sa fille adoptive. Elle sera sa disciple, en tout cas. Le Tour de France se termine à Bordeaux, où elle revient, mais alors dans un état physique complètement délabré. Et pendant tout ce temps, elle a évidemment inlassablement transmis ses idées, sa parole d'un monde nouveau, d'une autre société. Et en novembre 1844, elle meurt prématurément. Elle a 41 ans. Elle est chez un Saint-Simonien, l'avocat Charles Lemonnier, et Élise, son épouse, qui est considérée comme la fondatrice de l'enseignement professionnel des femmes. Lemonnier, c'est un nom, en fait, il y a eu des institutions Lemonnier qui ont été créées. Et donc, elle est entre bonnes mains, si je puis dire. Et on peut dire que Bordeaux, d'où elle partit à l'âge de 30 ans en paria, et où elle revient en apôtre de l'humanité à 41 ans. Elle a fait son tour de France, un peu son tour du monde aussi. Et donc, c'est un juste retour des choses, en fait, à Bordeaux. Alors, voilà la maison où elle est décédée. À Bordeaux, rue des Bahutiers. Et donc, un article paraît le 17 novembre pour annoncer donc son décès. Arrivée malade à Bordeaux, Madame Tristan s'est alitée le 24 septembre. Vers la fin octobre, un mieux sensible donna l'espoir d'une prochaine guérison, mais bientôt une rechute que tout l'art des habiles médecins qui lui donnèrent leurs soins ne put conjurer est venu l'enlever à ses nombreux amis. Elle est morte le 14 novembre à 10h moins un quart du soir. Alors, deux souscriptions vont être ouvertes en sa mémoire. L'une à Bordeaux, par un comité ouvrier, et l'autre à Paris, dans les colonnes de Démocratie Pacifique, pour la création d'une colonne au cimetière de Bordeaux, en mémoire de l'aristocrate déchue, femme socialiste et ouvrière féministe, comme elle se désignait. Eugène Sue est l'un des tout premiers à payer pour la souscription. Il sera d'ailleurs dans une bonne somme. Évidemment, Georges Sand a été sollicité, elle a répondu non très sèchement, mais il ne fallait pas s'attendre à mieux. Et donc, elle est enterrée donc, au cimetière de la Chartreuse à Bordeaux. Alors, voilà sa tombe et voilà la base donc, de sa tombe sur laquelle donc, c'est marqué à la mémoire de Madame Flora Tristan, auteur de l'Union ouvrière, les travailleurs reconnaissants, liberté, égalité, fraternité et solidarité qu'elle insistait pour qu'on fasse suivre à ces trois termes. Et lorsque il y a eu donc l'enterrement de Flora, il y a le tonnelier Vigier qui va lire un long poème intitulé « Soyons unis », composé en son hommage. « Oui, nous nous unirons, mais non pas pour maudire. La clémence est si douce au cœur de l'ouvrier. Non, non, nous ne voulons ni brûler ni détruire, mais nous voulons édifier. » Aujourd'hui, je crois qu'on brûle et on détruit. Hein. Donc là, on a un petit peu changé. Alors, rue des Bahutiers, donc, il y a une plaque commémorative, donc une très jolie plaque. Et c'est la ville de Bordeaux. Et comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai travaillé 11 ans à la culture. Et c'est comme ça que je me suis d'ailleurs prise de sympathie pour Flora Tristan, que je méconnaissais totalement auparavant, puisque un jour, j'ai eu un groupe de personnes qui m'ont sollicité parce qu'ils voulaient que Bordeaux, enfin, porte quelque chose qui laisse apparaître la présence de Flora Tristan. Et donc, je me suis occupée de ce dossier. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis allée fouiller au-delà, et ce qui m'a donné envie d'ensuite aller parler de Flora Tristan. Donc, vous voyez, moi aussi, j'ai vécu 22 ans à Bordeaux, et Flora Tristan, ben, je la connaissais d'un nom un petit peu. Je sais qu'Yvette Roudy organisait quelquefois pour la journée de la femme, qu'elle a été ministre des droits de la femme d'ailleurs, sous François Mitterrand, et elle organisait des colloques Flora Tristan, mais ça restait dans des contextes très très ciblés, ça n'allait pas au-delà, et j'ai trouvé que cette démarche était particulièrement généreuse et que Flora Tristan méritait vraiment qu'on s'attarde sur son sort. Et donc la ville de Bordeaux garde un souvenir donc de la pionnière du féminisme et du syndicalisme, le commis voyageur de la révolution sociale, comme on l'appelait, grâce à cette plaque commémorative qui est dans une des rues du vieux quartier bordelais. Et d'ailleurs, Bordeaux est la seule ville qui honore Flora Tristan le 14 novembre, jour de son décès, et où là, donc, il y a la Maison du Pérou et l'Institut d'Histoire Sociale d'Aquitaine qui organisent une manifestation commune autour de sa tombe et s'y regroupent les Bordelais qui sont encore sensibles au message de Flora Tristan. Et même le 1er mai, on peut rencontrer des personnes, puisque 1er mai, journée du travail, qui viennent aussi, on lit des textes de Flora Tristan autour de la tombe de Flora Tristan. Alors, le Tour de France, ce fameux Tour de France, paraîtra à titre posthume, grâce aux notes, d'ailleurs, qui ont été prises par Éléonore durant la semaine où elle a veillé Flora, avant sa mort. Elles sont restées dans un tiroir jusqu'en 1910, et c'est le fils d'Éléonore Blanc qui remet le manuscrit à Jules Puech, qui est un historien du socialisme, et il en publiera d'ailleurs certains passages dans son ouvrage « La vie et l'œuvre de Flora Tristan » en 1925, et c'est un livre qui aura une très grande influence en France, mais aussi et surtout au Pérou. Alors, le manuscrit donc va être retrouvé en 1970, il va être publié en 1973, cette fois sous son titre originel, « Le Tour de France, état actuel de la classe ouvrière sous l'aspect moral, intellectuel et matériel ». Donc, vous voyez, il a fallu du temps pour que l'œuvre de Flora nous arrive dans le domaine littéraire. Alors, on peut dire que son action, évidemment, a attiré des disciples issus d'écoles de pensée très différentes les unes des autres, mais qui se rejoignaient très souvent parce qu'elles étaient liées au saint-simonisme. Et partout sur les routes où elle porta sa bonne parole, elle a rencontré un réseau de solidarité qui s'est créé, d'ailleurs, et qui l'a accompagnée jusqu'à sa mort. Mais malheureusement, ça n'a pas survécu à sa mort. Donc, tout son travail, on peut dire qu'il a disparu avec la mort de Flora Tristan, et c'est un petit peu dommage. Alors, George Sand, donc, quand je vous parlais, qui ne l'aimait pas beaucoup, elle a beaucoup souffert de la superbe, en quelque sorte, de Flora, de son courage aussi. Elle était saint-simonienne, mais elle n'avait pas du tout la même approche du saint-simonisme. Je ne crains pas de déclarer que j'aime le saint-simonisme, parce que l'avenir qu'il offre aux hommes est admirable de vigueur et de charité. Mais les femmes n'ont encore rien à dire, ce me semble. Que feront-elles par la révolte ? Quand le monde mâle sera converti, la femme le sera, sans qu'on ait besoin de s'en occuper. Donc, féministe, George Sand, je suis pas très sûre. Hein. Alors, c'est vrai, donc, leurs combats ont été très différents. Elles ont vécu des parcours très différents. Combat de gauche de la bourgeoisie pour George Sand, et libérale et républicaine. Plutôt combat de l'extrême gauche pour Flora Tristan, actrice trop peu connue du mouvement ouvrier. Il y a eu d'autres femmes aussi. Il y a eu Pauline Roland, qui a été une amie de George Sand, mais aussi une amie de Flora Tristan, ce qui n'a absolument pas nuit à leur relation d'amitié. Elle a été la première, elle, prêtresse saint-simonienne. Et c'est une féministe, mais juste au bout, puisque elle aura 4 enfants de 4 pères différents. Elle aura toujours refusé le mariage, comme elle disait, je ne consentirai jamais à épouser aucun homme dans une société où je ne pourrai pas faire reconnaître mon égalité parfaite avec celui auquel je m'unirai, ou plutôt me vendrai. Donc c'était clair. Elle est peu connue, elle aussi. Benoît de Groult en a fait une biographie intéressante. C'est une femme qui a beaucoup compté et qui a été dans cette mouvance des Saint-Simoniennes et que l'on a croisée. Mais les femmes n'avaient pas l'aura, bien sûr, que les hommes avaient à cette époque. Alors, son œuvre, bien sûr, est forte, Flora Tristan. Elle a toujours voulu démontrer la priorité aux garçons. Comme elle disait à l'école, on apprend aux garçons plutôt qu'aux filles. À tous les métiers où les femmes étaient payées moitié moins que l'ouvrier. Donc, il y a eu toujours une disparité. Et c'est ça aussi qui l'a fait monter un petit peu au créneau, parce qu'elle trouvait que c'était trop injuste de voir que les industriels payaient moins cher les femmes, et d'autant plus que souvent, elles avaient une cadence plus vite. Et quand elles ne rapportaient... Elle coûtait trop cher, on prenait les enfants plutôt que les femmes. Donc, vous voyez, il y a toujours eu une récupération, et c'est ce qui se faisait notamment dans les usines, les manufactures en Angleterre, et c'est ça qu'elle a dénoncé. Elle a dénoncé tout ce qui était abus, hein, et ça a été vraiment la priorité de ces combats, parce que pour elle, hommes, femmes devaient être sur le même plan d'égalité. Et elle n'aura eu de cesse de s'engager avec ses sœurs saint-simonienne dans de nombreux combats, notamment la peine de mort. Cependant, elle a fait beaucoup de pétitions, mais il faudra quand même attendre 1981 pour voir l'abolition de la peine de mort. C'est en quoi un parcours quand même particulièrement laborieux. Le divorce aussi, elle a fait des pétitions. Eh bien, il faudra attendre le 27 juillet 1884 avec Alfred Naquet, qui la fera voter une voix. Mais c'est trop tard, puisque Flora donc, sera déjà décédée. Mais elle a eu quand même des combats qui ont compté. Et la fille des rayons et des ombres, comme on l'appelait, on peut dire qu'elle fut de 1840 à 1844 l'égérie du socialisme naissant, hein, en y vivant évidemment toutes les facettes, parce qu'elle les a connues toutes, hein, fille quasiment abandonnée, femme maltraitée, mère célibataire. Donc elle a vécu des choses très très dures, et elle est de surcroît la première femme qui, seule et sans le secours ou le conseil d'aucun homme, ait osé entreprendre une œuvre publique et sociale. Et c'est vrai que, bon, elle a croisé des hommes, mais on n'a jamais vu carrément un homme dans son sillage. Elle a tout fait par elle-même. Et ça, c'est important aussi de le souligner dans une époque où la femme, c'était difficile de tenir debout quand on voulait afficher des idées aussi violentes que les siennes. Alors, ses enfants. Donc, elle a eu 2 enfants, Ernest et Aline. Eh bien, ils ont suivi des voies très différentes. Ernest a eu le goût des ailleurs et a choisi la marine. On n'a pas beaucoup de traces d'Ernest. Aline, on va la suivre un petit peu plus, et pour cause. Bon, elle n'a pas le tempérament de sa mère, loin s'en faut. Elle a épousé Clovis Gauguin, qui est journaliste du National, et elle met au monde le petit Paul Gauguin. Et oui, le 7 juin 1848, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un portrait qui avait été fait du bébé Gauguin à l'âge d'1 an. Alors lui aussi, vous le connaissez, Gauguin, hein, un personnage au caractère particulièrement bien trempé. Et Flora est donc la grand-mère de Paul Gauguin. Alors voilà la grand-mère et son petit-fils. Eh oui. Et d'ailleurs, Gauguin a toujours été émerveillé face à sa grand-mère. Il disait d'elle, « Ma grand-mère était une drôle de bonne femme. Elle se nommait Flora Tristan et inventa des tas d'histoires socialistes, entre autres l'Union ouvrière. » Voilà Aline, donc fille de Flora, mère de Gauguin, peinte par son fils. Et c'est vrai que Gauguin a toujours été admiratif de cette femme qui a osé, qui s'est engagée dans des combats mais complètement insensés. Et il a même sensibilisé le milieu artistique à la mémoire de sa grand-mère parce qu'il a trouvé quand même qu'elle avait une place particulière. Et il était très, très fier d'être le petit-fils de cette éminente femme. Voilà Paul Gauguin, un âge plus avancé. Et alors, il y a une espèce d'évidence aussi dans la vie de ces deux personnages. Le 7 avril 1803, naissait Flora Tristan. Le 8 mai 1903, décédait son petit-fils. C'est curieux, hein ? Alors, ils étaient aussi libertaires l'un que l'autre. Hein. On connaît la vie tumultueuse de Gauguin, qui lui aussi a aimé voyager, qui est aussi, dans ses voyages, est allé chercher un peu ses origines à travers les pays exotiques. Ils étaient tous les deux hantés par une quête de l'absolu qui a donné une espèce de dimension un peu tragique aussi à leur personne. Hein. Ils sont allés au bout de leurs rêves, qu'ils poussaient toujours un petit peu plus loin, sans savoir où exactement ils allaient aller. Mais on peut dire que tous les deux ont été nourris d'utopie politique et artistique et ils ont marqué l'un comme l'autre leur époque. C'est vrai que Paul Gauguin, on le connaît peut-être mieux que Flora Tristan, mais chacun dans leur domaine a en tout cas été particulièrement important. Les hommes l'ont vanté. Karl Marx l'a cité. Flora Tristan nous donne un exemple de ce dogmatisme féminin qui, voulant une formule, la compose à partir des catégories de ce qui existe. Il y a eu Proudhon aussi, qu'elle a personnellement connu. Pourtant, ses propos... Oh, j'ai oublié de vous montrer. Oui, pardon. L'arbre généalogique. Alors ici, donc, on a Anne-Pierre, sa maman, son père. Flora, le petit frère qui va mourir très vite. Flora qui épouse André Chazal. Ensuite, on a Alexandre qui va décéder. Ernest et Aline qui va épouser Clovis. Clovis qui va épouser... qui aura Paul Gauguin. Oups. Paul Gauguin, le petit-fils. Voilà, Paul Gauguin qui épouse Marie Gauguin. Non, Maître Sophie Gade. Donc, Marie Gauguin. Ah oui, Marie, c'est la sœur de Paul. Voilà. Là, c'est compliqué, ces familles. Hein. Et alors, voilà une des parties des enfants de Gauguin, parce que ça, ce sont les légitimes. Mais les autres ont été aussi nombreux. Alors, je reviens à Proudhon, qui était un affreux personnage, mais qu'elle l'aimait bien, on ne sait pas pourquoi. Et lui n'était pas du tout dans le principe du féminisme, plutôt prisonnière que courtisane. Telle est mon opinion sur l'avenir de la femme et ma réponse à toutes les théories d'amour libre. Alors, il n'aimait pas le féminisme de Fourier. Il disait « La femme est la désolation du juste. Il faut la maintenir en sujétion. » car d'elle-même, elle est essentiellement impudique. Sa place est dans le mariage, seulement. Quand elle essaie d'exercer son intelligence, elle devient laide, folle et guenon. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a plu dans ce personnage. Peut-être a-t-elle voulu le faire changer d'avis, je ne sais pas. Mais ce Proudhon est vraiment détestable. Par contre, André Breton... surréaliste que l'on connaît, a réussi à acquérir une bonne partie du courrier de Flora Tristan. Et lui, il était vraiment mais tout en admiration devant elle. Il n'est peut-être pas de destinée féminine qui, au firmament de l'esprit, laisse un sillage aussi long et aussi lumineux. C'est beau quand même, hein ? Alors, elle a été célébrée. On a célébré sa naissance. Il y a eu également des timbres à son effigie. toujours un petit peu les mêmes portraits. Hein. Il y a peu de variantes. Hein. Alors ici, c'est un très joli dessin qui vraisemblablement est fait à Bordeaux lorsqu'elle s'apprêtait à prendre le bateau pour le Pérou. Et bon, ça c'est vrai que c'est assez significatif des petites ruelles autour du port de Bordeaux, plus encore à cette époque. Mais je trouvais que ce dessin était très joli, hein, et qui change un petit peu de ce qu'on découvre un petit peu au fil de son évolution. Un autre dessin. Et puis, il y a eu une fresque aussi qui montre un petit peu tout son parcours de femme, d'oratrice, de voyageuse, de vraiment quelqu'un qui est allé porter la parole un peu partout et qui est la femme dont on se souviendra et qui a beaucoup modifié la première moitié du 19e siècle. Et de nombreuses associations, d'ailleurs, portent le nom de Flora Tristan, mais plus à l'étranger et notamment au Pérou, puisque la principale organisation pour la promotion féminine se trouve à Lima. Et elle se nomme Centre de la femme péruvienne, Flora Tristan. Et elle revendique 25 ans de travail pour le droit des femmes. Et en France, on a très peu de... On a des lycées, lycée Flora Tristan, mais ça reste vraiment très, très peu connu. Alors, il y a eu des livres, Nicole Avril, Brune, qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, et Dominique De Santi, qui a fait un très beau livre aussi sur Flora Tristan. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette femme, vous pourrez toujours vous rapprocher de ses auteurs. Voici encore quelques portraits, toujours dans le même aspect. Et voici donc une des lettres qui appartient à Breton. Et je voulais surtout vous montrer la signature de Flora Tristan, parce que j'aime bien terminer par la signature du personnage. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Il y aura encore tellement de choses, parce que sa vie fut courte, mais tellement dense. Elle n'a pas eu le temps de faire tout, mais comme elle a fait beaucoup déjà, je ne sais pas si elle a changé le monde. En tout cas, elle a participé aux évolutions d'un monde. Cela dit, nous pouvons toujours piocher dans ses textes, puisque nous sommes toujours dans cette actualité, et peut-être que dans des siècles plus tard, on pourra encore relire Flora Tristan. Merci beaucoup.